lebon lipon amon na fi dana ki ben serreur lo won da don def grève de la faim serreur dal tok na ay plus de ay 15 jours yo non lekul nanu tej buntu bi kuko feug dou la falé légui nak voisinage bi commencé di inquiété wu gay dem au pompier pour ñu ñew xol serreur bi ci la la né ndax muy ci jamba est-ce que dara jottu ci négam légui pompier bi ñëwé nak chef de pompier bi ñëw ba ci buntu neej bi commencé feug kon serreur faara kon serreur jéki rek ñëw ba ci buntu rek né kokal la lolal la tiere